إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان وفي هذا المسجد المبارك فنحمده جل وعلا ونشكره على هذه النعم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يجعلنا من الفائزين في هذه الدنيا وفي الآخرة كما نسأل الله تبارك وتعالى المزيد على ذلك. قبل أن نبدأ في موضوعنا الذي هو بيان عقيدة الإمام العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه نذكر بعض الأقوال التي ذكرها العلماء في بيان فضل العلم كما قيل بيان أن العلم أفضل من المال. تقدم في نصيحة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه لكميل ابن زياد قوله يا كميل العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق العلم حاكم والمال محكوم عليه. هذا كلام الإمام علي أو أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وهذا الكلام كان لكميل ابن زياد لما قال له علي ذكر له المال تنقصه النفقة العلم يزكو على الإنفاق العلم حاكم والمال محكوم عليه. ولهذا ذكر ابن القيم رحمة الله عليه قوله العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال. ولهذا بين الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه فضل العلم على المال يعلم من وجوه فضل العلم على المال يعلم من وجوه. قال ابن القيم رحمة الله عليه أحدها أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء. الثاني أن العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله. الثالث أن المال تذهبه النفقات والعلم يزكو على النفقات. الرابع أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله والعلم يدخل معه قبره. الخامس أن العلم حاكم على المال والمال لا يحكم على العلم. السادس أن المال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. السابع أن العالم يحتاج إلى الملوك أو أن العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونه وصاحب المال إنما يحتاج إليه أهل العدم والفاقة. والثامن أن النفس تشرف وتزكو بجمع العلم وتحصيله وذلك من كمالها وشرفها. والمال لا يزكيها ولا يكملها ولا يزيدها صفة كمال، بل النفس تنقص وتشح وتبخل بجمعه، والحرص عليه وحرصها على العلم عين كمالها، وحرصها على المال عين نقصها. التاسع أن المال يدعوها إلى الطغيان والفخر والخيلاء، والعلم يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية، فالمال يدعوها إلى صفات الملوك، والعلم يدعوها إلى صفات العبيد. العاشر أن العلم جاذب موصل لها إلى سعادتها التي خلقت لها، والمال حجاب بينها وبينها. Donc les frères, on va commencer, Inch'Allah, ce premier cours de ce séminaire, Inch'Allah. Avant de commencer dans la croyance, puisque le thème, le titre de ce rappel, Inch'Allah, est relatif à la croyance de l'imam, le grand savant, l'érudit, Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Avant, on fait une petite introduction, Inch'Allah, sur le mérite de la science. Le mérite de la science. Et ici, je vous ai lu un passage ici d'un livre de Cheikh Raslan, Hafidahullah Ta'ala, un beau livre qui s'intitule Fadl al-Ilm. Fadl al-Ilm, ici. Et dans ce livre, il a un chapitre qui l'intitule Bayan anna al-Ilm afdalu min al-mal. Il a un chapitre dans ce livre pour clarifier le mérite de la science, puisque ce livre est relatif au mérite de la science. Et dans ce livre, Cheikh Raslan, Hafidahullah Ta'ala, qu'Allah le préserve, ici, il va parler du mérite de la science, du comportement de celui qui est en quête de science, de celui qui recherche cette science, et de la méthodologie et la manière pour obtenir et acquérir cette science avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, il va parler de nombreux aspects relatifs à la science, à la quête de la science, à ceux qui demandent la science, le comportement adopté, la méthodologie ici dans son apprentissage, quel chemin suivre ici pour apprendre ici l'ilm, et comment ici adopter ici une bonne éthique ici pour ici s'asseoir devant l'ilm et les gens de science. Et il va aussi clarifier ici le mérite des gens de science. Comme on va parler ici d'un grand savant, l'un des plus grands imams, l'un des plus grands savants contemporains ici de notre époque, de ce siècle ici, avant, je vous fais une petite introduction, Inch'Allah, sur le mérite de la science. Et donc, j'ai pris juste un petit passage ici de ce livre qui est Bayan anna al-ilm afdal min al-mal, et c'est pour vraiment faire ici, illustrer ici vraiment l'importance et le mérite de la science. Et comme les âmes sont attaché. Comme il dit, et ben l'âme parfois appelle au mal. Et elle appelle, et elle est incitatrice au mal. Et ben l'âme ici aime, et les personnes, les gens, parfois, et ben aiment. Et souvent, la majorité des gens, très peu de gens ont été épargnés de cette fitna qui est fitna tout de même. La tentation est l'épreuve de l'argent. Les uns aiment l'argent. Les personnes aiment les richesses, veulent de l'argent, courent après l'argent. Les gens ici sont dans la course à l'abondance, ici, veulent l'abondance. Alors ici, dans ce chapitre, pour nous clarifier l'importance et le mérite de la science, ici le Cheikh dit la clarification sur le fait que la science est meilleure que l'argent. Le fait que la science est meilleure que l'argent. Il commence à nous citer une parole de Emir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala, le quatrième calife de l'islam, qui s'est adressé à Kumail ibn Ziyad. Il lui a dit, ya Kumail, ô toi Kumail, al-ilm khayr min al-mal. La science est meilleure que l'argent. Regardez cette parole de ce compagnon qui était le quatrième calife de l'islam, ici Ali ibn Abi Talib. Il dit, al-ilm yahrusuk wa anta tahrusul mal. Il dit, alors que la science te préserve, te protège, toi tu préserves l'argent. المال تنقص النفقة والعلم يزيد على الإنفاق. Il dit l'argent ici va diminuer avec les dépenses, alors que la science va purifier la dépense. العلم حاكم والمال محكوم عليه. La science juge ici, alors que l'argent, c'est pour ça que pour bien illustrer cela, ici l'auteur de ce livre a rapporté une parole, une très belle parole, très parfaite d'Ibn Qayyim. Ibn Qayyim va citer en plusieurs points le mérite de la science sur l'argent. Donc, lorsqu'on parle de la science, les mérites de la science sont nombreux. On peut parler de nombreux aspects. Moi, j'ai choisi ce sujet-là, le mérite de la science sur l'argent. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens, sont attirés, la majorité des gens sur Terre sont attirés par l'argent, sont attirés par l'argent. Et le fait de savoir que la science n'est pas comparable à l'argent. Lorsqu'on aura compris cela, on va faire prévaloir Tarabelaïd, la quête de la science et du savoir sur le fait de courir après les biens de ce baron et l'argent. Beaucoup de gens à l'heure actuelle, beaucoup de frères, ont laissé les assises scientifiques, ont laissé Tarabelaïd, la quête de la science, ont laissé les voyages vers les ulama pour apprendre cette science, pour exiger, par exemple, pour le commerce, pour leur travail, etc. On voit que beaucoup de gens, attention, on ne dit pas que le travail et le commerce est interdit, bien au contraire, c'est licite, et c'est un moyen licite pour acquérir son argent, d'une manière licite, al-halal. Lakin, le fait de passer tout son temps et toute sa préoccupation et dans le fait d'acquérir les biens de ce bas monde, d'amasser l'argent, de cotériser, de compter, d'amasser, etc. Et laisser les assises de science, laisser les appels jusqu'à ce que certains sont arrivés à un degré que même Al-Jumu'ah, le jour de vendredi, ils le font une fois sur deux, une fois sur trois. Et certains, même s'ils le font tous les vendredis, on voit qu'il y a un laxisme, une négligence, ils viennent au dernier moment. Ils ratent une bonne partie de Khutbatul Jumu'ah. Ils viennent en retard, ils ratent 10, 15, 20 minutes de Khutbatul Jumu'ah. Même certains se contentent d'assister au Dorakaat de la prière de Al-Jumu'ah. À cause de notre course à l'abondance, cette rivalité, cette concurrence dans le fait d'amasser les biens et l'argent. Donc le fait de travailler, de gagner sa vie sur l'illicite, au contraire, si cette personne ensuite va dépenser pour ses proches, pour sa famille, pour ses enfants, pour son épouse, ça c'est la meilleure dépense ici. Mais délaissé par la belle haine, parce que l'individu est en course à l'abondance et à l'argent, alors là, il faut faire attention. C'est pour ça que, très brièvement, avant de commencer sur la vie de Cheikh Albani et sur sa croyance, on fait juste un rappel sur cela pour que les frères, il y a une motivation aussi pour Al-Ilm et pour connaître ici le mérite aussi de l'ulama, le mérite des ulama. Donc Ibn Qayyim a cité plusieurs points ici, et Cheikh Aslan les révoque ici dans son livre de l'Ilm. Je vais citer que quelques points. Là en arabe, j'en ai mis 10, je vous cite une dizaine. En réalité, Ibn Qayyim a cité de nombreux points. Pourquoi ? Parce que Al-Ilm et l'argent ne se comparent même pas. L'argent et la science ne se comparent même pas. Et tellement il y a une différence et une distance entre l'argent et Al-Ilm et la science, Ibn Qayyim a cité de nombreux points. De nombreux points ici. Et moi, je vais vous en citer déjà, puisque le temps est restreint, Inch'Allah. Je vous en cite, Inch'Allah, une dizaine ici. Sinon, en réalité, ils sont nombreux. Taïb. En tout, Ibn Qayyim en a cité à peu près vers une quarantaine. Une quarantaine ici de points qui donnent la différence entre la science et l'argent. Donc vous avez vu 40 points ici, qu'ensuite cela est détaillé dans le livre de Cheikh Aslan ici. Le premier point, il dit premièrement la différence ici entre la science et l'argent, et que la science est meilleure que l'argent. Il dit le premier point, le premier, déjà elle est, c'est le patrimoine, c'est l'héritage des prophètes. Alors il dit l'argent, ça c'est l'héritage des rois et des riches. Donc juste à ce point-là, il n'y a même pas de différence. Il n'y a même pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison à voir. Al-ilm, c'est l'héritage des prophètes. La science, c'est l'héritage des rois et des riches. Ok ? Non, la science, c'est l'héritage des prophètes. Et l'argent, l'héritage des rois et des riches. Deuxièmement, Al-ilm préserve son compagnon. Sahib al-ilm, celui qui apprend la science, qui a l'ilm, la science ici le préserve de sorte que lui, avec la science, son chemin est illuminé. Et lui est préservé puisqu'il distingue entre les péchés, les mauvaises actions, les bonnes actions. Donc il sait quoi dire, quand est-ce qu'il faut dire, il sait qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment il faut le faire. La science est quelque chose d'immense. Alors, avec la science, l'individu est préservé, tandis que ici, sahibul mal, tandis que c'est l'individu lui qui préserve son argent. Troisièmement, elle-même, l'argent, troisième différence, l'argent part avec les dépenses. L'argent, lorsque tu dépenses, ça s'en va. Par contre, la science, elle purifie les dépenses. La science va purifier ces dépenses-là, et vous allez voir qu'en réalité, avec l'ilm, ici, l'individu, s'il y a l'ilm, donc la personne qui a cette science, il sait comment faire une bonne attention. Il sait avoir une bonne attention et il sait distinguer entre une bonne attention et une mauvaise attention. Celui qui a une bonne attention, celui qui dépense avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, et bien avec cela, Allah peut accroître ici, et bien, à la base, son argent. C'est bien. Donc lui, s'il dépense ici, avec science, avec une bonne attention, et bien sachez, il n'y a pas une personne qui va délaisser une chose pour Allah sans qu'Allah va lui donner mieux en échange. Rabi'an, quatrièmement, il dit, celui qui a l'argent, lorsqu'il meurt, alors il va se séparer de son argent. Tandis que celui qui a la science rentre avec lui dans sa tombe. Regardez les mérites de la science et regardez que la science n'est pas comparable à l'argent et au bien de cette vie d'ici-bas. Lorsque l'individu meurt, eh ben, il ne va pas rapporter ses fortunes, sa richesse qu'il possède ici, ce qu'il a amassé sur terre, il ne va pas l'emporter avec lui dans sa tombe. Tandis que sahibul ilm, la science part avec lui ici. Cinquièmement, il dit, Ibn Qayyim, anna al-ilm hakimun ala al-mal wa al-mal la yahkum ala al-ilm. Cinquièmement, la science administre, commande l'argent, mais l'argent ne commande pas la science. C'est-à-dire que lorsque tu as du ilm, tu sauras quand est-ce que dépenser. Et quelles sont les bonnes dépenses? Donc tu vas distinguer entre la bonne dépense, la dépense qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la dépense qui t'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'une personne va dépenser dans le haram, une personne va dépenser dans le licite. Elle administre, commande ton argent. Tandis que l'inverse n'est pas possible. L'argent ne commande pas, il n'administre pas, elle l'ilm. Sixièmement, mimma dhakara ibn al-qayyim. Sixièmement, Ibn Qayyim dit, l'argent peut l'acquérir aussi bien le croyant que le mécréant, l'incrédule, aussi bien le pieux que le libertin, le pervers. C'est un point commun, aussi bien pour le croyant, pour le non-croyant, pour le pieux, pour le pervers, pour le vertueux, pour le libertin, pour le dévot, celui qui est favorable d'un garçon, que pour le plus pervers. Donc l'argent, aussi bien mécréant que le croyant, peut l'acquérir. Tandis qu'il dit, al-ilm an-nafi' la yahsul illa al-mu'min. Tandis qu'il dit, la science bénéfique, celui qui l'obtient, qui va l'acquérir, c'est le croyant. C'est le croyant. Sabi'an, anna al-alim yahtaj ilayhi al-muluk, faman dunahu. Septièmement, la science, ou plutôt le savant, celui qui a cette science, les rois ont besoin de lui. Et autre que les rois aussi, les dirigeants, les gouverneurs, les rois, al-muluk yahtajuna ilayhi. Ils ont besoin du savant, du alim, de celui qui a cette science. Wa sahibul mal innama yahtaj ilayhi al-udum wal-faqa. Mais celui qui a l'argent, c'est qui a besoin de lui? C'est les gens qui ont la pauvreté. C'est les gens de la pauvreté. C'est les pauvres qui ont besoin de celui qui a l'argent. Athani, huitièmement ici, anna an-nafs tashrufu wa tasku bi jam'i al-'ilm wa tahsili. Il dit, l'âme ici va être honorée et purifiée avec l'acquisition de cette science et le fait de rassembler cette science. وذلك من كمالها وشرفها. Il dit cela, ici, la science doit être une cause ici, que la personnalité, ici, de l'individu, peut atteindre la complétude ici. Peut atteindre le fait que cette personne, eh ben, sera honorée ici, honorifiée ici. والمال لا يزكيها ولا يكملها ولا يزيدها صفة كمال. Tandis que l'argent ne va pas purifier, cet argent-là ne va pas forcément purifier ici, eh ben, cet individu, et lui donner les bonnes qualités. Il dit mal al-nafs tanqusu wa tashihu wa tabkhalu bi jam'ihi. Il dit bien au contraire, les âmes, eh bien, deviennent avares. Les gens sont radins. Lorsqu'ils amassent l'argent, ils cotérisent cet argent, ils rassemblent ces biens-là, et bien l'âme devient radine. Les gens deviennent radins, mesquins, etc. Tandis que la science ici, avec la science, et bien l'individu va atteindre les bonnes qualités. Il peut atteindre les bonnes qualités, il va distinguer entre les bonnes qualités et les mauvaises qualités. Tassiran, neuvièmement. L'argent appelle l'individu à outrepasser les limites, à tourner au mal, à la vanité, à l'orgueil. Il dit "An al-mal yad'uha ila al-tughyan wal-fakhr wal-khuyala." L'argent va appeler l'individu. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens qui ont de la fortune mais qui n'ont pas de science. Les gens qui ont de l'argent et qui n'ont pas de science, vous les voyez marcher sur terre avec une manière hautaine. Ils marchent sur terre hautainement, avec vanité, avec orgueil. Pour eux, c'est les gens qui sont élevés par rapport aux autres. Et on voit que pour eux, ils se sentent plus élevés, meilleurs que les pauvres, etc. Alors que celui qui a de la science, il sait très bien que les pauvres, parfois, sont meilleurs que les riches. Et le meilleur, c'est qui le meilleur? C'est celui qui a la piété. Les gens qui courent après les richesses, qui courent après l'argent, les biens de ce monde, eux, pour eux, les gens, leur mérite, c'est quoi? Ils vont considérer celui qui a des biens et de l'argent. Ils vont aller vers celui qui a des biens et de l'argent. Ils ne vont pas considérer ici l'aspect de la piété et de la soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tandis que sahib al-ilm, ya'lam, wa huwa ala yaqeen, anna al-afdal, huwa atqa al-nas. Le plus pieux parmi les gens, c'est lui l'afdal. C'est lui le meilleur. C'est pour cela que Ibn Qayyim dit ici que l'argent eh ben, pousse à l'injustice, à la vanité, à l'orgueil. Tandis que la science pousse l'individu, incite l'individu à la modestie. À la modestie et à la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. فَالْمَالُ يَدْعُوهَا إِلَى صِفَاتِ الْمُلُوكِ. Regardez ce qu'il dit, Ibn Qayyim, très pertinent. Il dit l'argent va inciter l'individu à prendre les caractéristiques des rois. À prendre ici le comportement des rois, tandis que la science va inciter l'individu à prendre les caractéristiques et les qualités des serviteurs, des soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dit, dixièmement, أن العلم جاذب موصل لها إلى سعادتها التي خلقت لها والمال حجاب بينها وبينها. Il dit, à savoir que la science, si vraiment celui qui a la science ici, qui a compris cela, alors la science est attractive. La science attire. Attire celui qui a cette science-là vers son bonheur. Et vers sur quoi il a été créé. Et vers sur quoi il a été créé. Pourquoi l'individu il a été créé? L'individu sera cela avec la science. Et dit, tandis que l'argent est un hijab, un voile entre lui et l'objectif pour lequel il a été créé. Et ce bonheur, ici pour lequel il a été créé. Ensuite, ici, Charles Slane, Rafidanda, Kabul Prezard, et bien continuer et à évoquer le 11e, le 12e, le 13e, jusqu'à évoquer 40 points. Imaginez-vous 40 points qu'a cité Ibn Qayyim. Certains points sont plus détaillés que d'autres. Donc, je réfère les frères, Inch'Allah. Comme là, on n'a pas le temps, Inch'Allah, de tout évoquer, mais c'est des points qui sont très pertinents. Je réfère les frères au livre de cette citation d'Ibn Qayyim ici, qui a fait Charles Slane ici, sur ce livre qui est le mérite de la science. Et relisez, essayez de revenir à ces 40 points. Donc là, c'est juste un aspect. Ces 40 points, c'est un aspect ici qui attire notre attention que la science est préférable à l'argent. Et il n'y a pas de comparaison entre l'ail ou al-mal, entre la science et l'argent. Maintenant, on va parler d'un grand savant, d'un grand imam, justement, qui faisait partie de ces gens de science. Et qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a décrété que cet homme-là serait un grand savant, un grand imam, un imam dans la science du hadith, est reconnu par les autres grands savants de son époque et de sa génération. Donc on va faire juste, comme le temps est court, Inch'Allah, pour qu'on puisse bien traiter le sujet, c'est un sujet qui est long, comme le temps est court, Inch'Allah. Donc on va résumer, on ne pourra pas tout lire en arabe et traduire en français, on va résumer ici certains points de la vie de Cheikh Albani, et je citerai les points très brièvement en français, Inch'Allah, puisque le temps est restreint très court pour lire les points en arabe et en français. Par contre, les points concernant la croyance de Cheikh Albani, cela sera lu en arabe, vu la minutiosité ici de ces questions. Taïb. A savoir que, هذا الإمام الشيخ الألباني, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Donc, c'est Cheikh al-Muhaddis, le traditionniste ou traditionnaliste ici, le grand savant du hadith qui s'appelait Cheikh Mohammed Nasr al-Din al-Albani. Sa kunya était, son surnom était Abu Abdurrahman. Et pourquoi il était surnommé Abu Abdurrahman? C'était le nom de son fils aîné. Le nom de l'aîné de ses fils, son fils aîné qui était Abdurrahman. Alors, le Cheikh, il est né quand? Il est né en 1332 de l'Hégire. Le Cheikh est né, naquit, vit le jour en 1332 de l'Hégire, ce qui donne ici, en l'ère grégorienne ici, chrétienne, en 1914. En 1914, ici. Il est né en ancienne capitale du pays d'Albanie. Il est né dans une ville qui était l'ancienne, ici capitale. Taïb. Dans son enfance, Cheikh al-Albani, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, alors il a grandi dans une famille pauvre. Il a naqué dans une famille qui était pauvre, mais qui était pieuse. Pauvre mais pieuse. Ici, vous voyez, ici, regardez, une famille qui n'avait pas forcément l'argent, mais qui avait la piété. Elle est comme vous allez voir son père, qui avait la piété. Vous allez voir une famille qui n'a pas forcément les biens, la richesse, mais qui a la piété. Regardez ce qui peut sortir d'une famille qui n'a pas forcément les richesses et l'argent. Tandis qu'une famille qui a l'argent, mais qui n'a pas la piété, qui n'a pas l'aïm, qui n'a pas la religion, eh ben, les conséquences souvent ne sont pas les mêmes. Donc regardez, alors Cheikh al-Albani naquit dans une famille pauvre, méfieuse, qui portait en elle les gènes de la science, comme il est dit. C'est ainsi que son père ici, le père de Cheikh al-Albani, il fut diplômé de l'Institut de droit de la capitale ottomane. Ce qui était l'actuel Istanbul, en Turquie. L'actuel Istanbul, puisque vous savez, la Turquie ici, et Istanbul était la capitale de l'Empire Ottoman. Puis, lorsqu'il fut diplômé, son père, ici, de cette université, de cet institut de droit, alors ensuite il est revenu dans son pays. Il est revenu dans son pays pour enseigner justement la religion. Pour enseigner la religion. Jusqu'à ce que son père est devenu une référence. Son père est devenu une référence vers laquelle les gens affluaient pour qu'ils apprennent ici. Lorsque un roi qui s'appelait Ahmed prit le pouvoir en Albanie, alors la situation s'est empirée en Albanie par rapport à ce qu'elle était déjà auparavant. Lui, il a suivi les traces de ses voisins parmi les gens du livre, en marchant sur les pas des injustes et du tyran turc, Atatürk, qui est connu, Atatürk, donc il a suivi les pas de cela, en obligeant les femmes d'enlever leur voile, par exemple. Parmi les choses qu'ils obligeaient, et parmi le tyrannisme qu'il y avait, l'injustice, ils obligeaient les gens à enlever leur voile. Alors, certaines familles, elles étaient, parce qu'il y avait beaucoup d'injustices, et c'était le contexte de l'époque, donc très important de connaître le contexte où naquit les ulama, où on naquit les ulama, sont les ulama, et où ont grandi nos savants. Alors certaines familles, lorsqu'elles ont pris peur pour leur religion, alors elles ont opté pour quoi? Eh bien d'émigrer. D'émigrer. Pour ça, vous avez vu, hein, dans un hadith du prophète, sur celle-là, et malheureusement, beaucoup de gens, apparemment, ne comprennent pas ce récit, ou font abstraction de ce récit, ou font semblant d'ignorer ce récit. Le prophète Hassan dit que l'immigration ne va point s'interrompre, s'arrêter jusqu'à Riyad Sarah, jusqu'à l'arrivée de l'heure. Jusqu'à l'arrivée de l'heure. Donc si elle l'Hijra, l'immigration ne va point s'interrompre jusqu'à l'arrivée de l'heure, comment des gens nous disent qu'il n'y a plus d'Hijra? Et comment des gens nous enseignent que l'Hijra n'est pas méritoire? Contrairement aux enseignements de nos grands ulama, Ibn Uthaymeen, Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, et l'Akhiri, quand on parlera de ces références-là, ces grands savants-là. Donc l'émigration ne sera point interrompue jusqu'à l'arrivée de l'heure. Jusqu'à l'arrivée de l'heure. Ces familles-là, vu le contexte, ce qu'elles vivaient, alors beaucoup de familles ont eu peur et ont émigré. Et c'est le cas de la famille de Cheikh Al-Albani, son père a pris la décision d'émigrer. De quitter ce pays ici. Alors il en fut de même pour Cheikh Al-Albani. Alors le père de Cheikh Al-Albani fut inquiété pour sa religion et celle de sa famille en raison de la trop grande débauche et la propagation de la fitna à l'époque dans cette terre-là, dans ce pays-là. C'est ainsi qu'il décida d'émigrer. Où est-ce qu'a émigré son père? Il a emmené sa famille au Cham. Au Cham. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani, eh bien, il a grandi au Cham. Ici. Et choisit pour cela, plus précisément, la ville de Damas, Dimashq. La ville de Damas ici. Et donc, il s'en alla. C'est en revenant du pèlerinage qu'il est dit, lorsqu'il revint du pèlerinage, et bien qu'il s'installa et qu'il s'est établi à Damas. Maintenant, ça, c'est le contexte historique dans. C'est-à-dire cette famille où naquit Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Maintenant ses études. Ses études ici, donc on fait très bien moi aussi pour qu'on puisse avancer, car le temps est restreint. Ses études maintenant, il est dit lorsqu'il émigra avec son père, Cheikh Mohammed Nasruddin Al-Albani était âgé de 9 ans. Il avait 9 ans, Cheikh rahimahullah alayhi. Alors son père l'inscrit à l'école, dans une jamia, au sein de laquelle il acheva brillamment le cycle élémentaire, ce qu'ils appellent là, les débuts des études pour un enfant de cet âge-là, ils appellent ça le cycle élémentaire ici. Lorsque l'enseignement religieux dispensé dans ces écoles n'ont pas convaincu son père, lorsqu'il a vu le programme, son père, ce que son fils, ce que Cheikh Al-Albani, lorsqu'il était petit, il apprenait dans ces écoles-là, et le père n'était pas convaincu. Donc regardez ce qu'on a dit, Cheikh Al-Albani, son père était un savant. Et son père déjà était un prêcheur. Et son père était diplômé d'institut de droit à Istanbul. Alors lorsque son père n'a pas été convaincu sur l'enseignement religieux qu'il prenait, alors il l'a retiré. Il l'a retiré. Et sans attendre la fin ici de ses études. Et il lui a donné un programme spécifique. Il lui a donné un programme spécifique pour apprendre ici. Ce programme, c'était l'apprentissage et la mémorisation du Coran. Bit-tajwid, avec les règles du Coran. L'apprentissage de la grammaire arabe, de la conjugaison et l'apprentissage de la jurisprudence hanafite. Comme vous allez voir, comme vous avez pu lire et comme vous avez pu apprendre, le père Cheikh Al-Albani était de confession de formation hanafite. Il est inspiré du madhhab hanafite, ici. Alors, son père, Cheikh Al-Albani, fut aidé donc par qui? Par son père, pour l'apprentissage de sa science. Il fut aidé par son père et Cheikh Al-Albani mémorisa donc le Coran lorsqu'il était jeune et selon Riwaya, la version Hafs. Selon la version Hafs, Cheikh Al-Albani a mémorisé le Coran. Et il a appris aussi, il lui fut enseigné certains livres de conjugaison arabe, ainsi que la jurisprudence. La jurisprudence, bien sûr, qui traitait du fiqh, qui était basée sur le fiqh hanafite. Le père Cheikh Al-Albani, comme on l'a dit précédemment, lui, il était attaché par la jurisprudence hanafite et par l'école hanafite. Et Cheikh Abani, il est connu que parfois, c'est comme cela que parfois, il commence à avoir des divergences entre lui et son père sur des questions, puisque Cheikh Abani, parfois, n'était pas convaincu par le madhhab Hanafit. Donc il arriva que ce dernier n'accepte pas les avis différents que pouvait émettre son fils, c'est-à-dire le père Cheikh Abani, parfois parfois n'acceptait pas les avis que son fils avait. Et le père Cheikh Abani, il a formé aussi d'illustres savants. D'autres ont appris chez le père de Cheikh Al-Albani. Comme des gens de science ont été formés, des gens connus ont été formés, ont commencé la science aussi avec le père de Cheikh Al-Albani. Taïb. Donc, Cheikh Al-Albani, en résumé, il assiste aux sciences aussi, aux assises de science aussi, les leçons de d'autres savants, parmi les savants du Cheikh. Donc regardez, certains essaient de véhiculer le shir que le shir n'a pas appris avec des maîtres de science, n'a pas appris avec des mashayikhs, ou certains disent que le shir al-Albani, certains vous pouvez entendre, parmi des soufis, parmi les jama'at al-Ahbash, on ne va pas s'étonner puisque les jama'at al-Ahbash, voilà les soufis, excommunient le shir al-Albani et comme des grands-sœurs de l'islam. Donc vous n'allez pas vous étonner qu'ils vont mentir sur le shir. Donc, à plus forte raison, les gens de la Sunna, Al-Sunnah wa Jama'a, As-Salafiyoun, les gens du Hain, eh bien, doivent connaître la vie de nos savants. La vie de nos savants, ici. Et le fait que certains vont vous dire, par exemple, Cheikh Al-Albani a pris la science tard, il a commencé le Hain à 20 ans, etc., c'est faux, c'est du kadhib. C'est faux, c'est du kadhib. Pourquoi ? Cheikh Al-Albani a commencé le Hain depuis son plus jeune enfance. Pourquoi ? C'est son père qui l'a pris en main. Et son père a émigré d'Albanie vers le Cher, ici. Et l'a mis dans des écoles. Et il lui a donné un programme spécifique, comme on l'a appris ici. Ça y est. Maintenant, lorsque maintenant vous avez vu ce passage historique de la vie de Cheikh Al-Albani ici, dans son enfance, donc je résume ici. Maintenant, à quel moment, maintenant, Cheikh Al-Albani va avoir ici cette passion pour la science du hadith ? Et se penchant pour la science du hadith. C'est-à-dire, à un moment donné, il va s'orienter vers la science du hadith jusqu'à devenir l'érudit, la référence contemporaine. Il est dit, après que Cheikh Al-Albani eut acquis la science auprès de certains illustres savants, alors Allah lui a donné l'honneur, Allah l'a décrété qu'il allait s'orienter vers une science qui était la science du hadith. Cheikh Al-Albani n'a pas voulu se contenter de peu. Alors il entreprit d'approfondir au point d'en devenir une référence chez les étudiants. Il racontait parfois lui-même cet exploit en disant, regardez, lui-même Cheikh Al-Albani, parfois il racontait son exploit en disant, « Certes, les bienfaits d'Allah sur moi sont si nombreux que je ne peux les dénombrer et les énumérer. » Il disait. Mais c'est toutefois, je pourrais en citer deux les plus importants. Regardez, Cheikh va citer Cheikh Al-Albani deux points, deux bienfaits qu'Allah lui a octroyés. Et dit, la langue arabe est la clé pour accéder au livre d'Allah et à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc beaucoup, vous savez, essayent de même dénigrer les savants à tous les niveaux. Alors ceux même qui voudraient dénigrer Cheikh Al-Albani au niveau de l'arabe, parce que ce n'était pas un arabe de base, il n'est pas arabe d'origine, Cheikh Al-Albani, c'est un albanais. Mais malgré que c'est un albanais, eh bien Cheikh Al-Albani est un professeur d'arabe pour les arabes eux-mêmes. Quant au second bienfait, il dit, il me laissait du temps libre. Au second bienfait, il dit qu'il a eu du temps libre ici, pour la recherche de la science, ce qui m'a permis de fréquenter une grande bibliothèque qui était connue, hein, la grande bibliothèque ici à Damas, ici, et d'autres bibliothèques. Chaque jour, pendant plusieurs heures, des heures et des heures et des heures, Cheikh Al-Albani était dans la lecture. Était dans la lecture des livres. Pendant des heures et des heures. Et ça, les frères, sachez que la vie, la biographie de nos savants, donc ensuite ça soit une porte pour vous, lisez dans la biographie des ulama. Lisez, surtout dans la biographie des salafs. Et sachez que les savants contemporains, eux, eh ben, ont été imprégnés ont été influencés par nos salafs. C'est pour cela que ces savants-là qu'on est en train de citer, c'était des savants salafis, influencés par les vieux prédécesseurs, par les salafs. Pas qu'au niveau de la croyance, pas qu'au niveau de l'aqida, aqida des salaf, mais au niveau aussi de leur manière d'avoir appris la science, au niveau de leur méthodologie, au niveau de leur ascétisme, au niveau de leur fervence dans l'adoration d'Allah. Vous allez voir que ces grands savants contemporains, le Cheikh Ibn Uthaymeen, l'Albani, le Cheikh Ibn Baz, le Cheikh Uqbel Ibn Hadi al-Wadi'i, ces grands savants contemporains, eh ben, sont un exemple pour nous dans le suivi de nos vieux prédécesseurs. Que ce soit au niveau de leur taqad, de notre croyance, du dogme, aqidat al-salaf, dans leur suivi de la croyance des plus récents, mais pas qu'au niveau de cela. Au niveau du adab, du comportement, au niveau de l'éthique, au niveau de leur manière d'apprendre, etc. Lisez les livres, la biographie de nos pieux prédécesseurs, des compagnons du prophète, de leurs successeurs, de leurs élèves, des grands imams parmi les grands imams des écoles juridiques. Sachez qu'on a les grands imams, les quatre, Abu Hanifa, Ahmed, Shafi'i, Malik. Mais il y a des grands imams qui étaient connus comme être les juristes. Sauf que leurs élèves n'ont pas écrit leur science. Sinon, on a des grands imams qui étaient des juristes ici et qui ont été appelés les sept juristes. Les sept fuqaha, les sept juristes. Sauf qu'ensuite, certains, leur école a été oubliée. On s'en va dans les abîmes de l'oubli. C'est vrai, il y a des grands imams. Lisez leur vie. Et vous allez voir, c'est une madrasa, lil adiyal. C'est une école pour les générations. Lisez la vie des pieux prédécesseurs. Regardez, il y a un livre de l'imam al-Dhahabi. C'est un livre dans une édition récente qui a presque 30 volumes, 28 volumes à peu près, presque une trentaine de volumes, c'est un Arlan Mubala. Il est dit qu'un cheikh contemporain, Cheikh Azdine, en Algérie, un imam d'Alger est venu et nous a informé, c'est son cheikh, Cheikh Azdine, et son chef, Al-Randani, c'est son chef, et dit qu'il l'a lu en 2 mois. En 2 mois, un livre d'une trentaine de volumes. Une édition, c'est des gros volumes, dans la nouvelle édition, en 2 mois. Ce qu'il voudrait dire, c'est comme si qu'il a lu en une journée, combien ? En une journée, la moitié d'un volume. La moitié d'un volume, c'est-à-dire en 2 jours, un volume. Un volume épais, un gros volume, tous les 2 jours. Regardez, puisque ça, c'est des machaïrs qui, justement, se réfèrent à la manière dont faisaient nos vieux prédécesseurs. Allez chez les ulama, vous allez voir. Vous ne trouverez pas des exemples de comportement, que ce soit dans l'ascétisme, que ce soit dans Zod, que ce soit dans l'adab, que ce soit dans la manière d'apprendre, que chez ces savants-là. Des heures passées dans la lecture. C'est pour ça qu'on parle à... Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Shaitan va te faire perdre ton temps, va t'ouvrir toutes les portes de la perte du temps. Du qil, du qil, waqal, al-qil waqal, des quiproquos, de parler, de s'informer sur des choses pas importantes, etc. Talib al-Ilm, lui, ses heures, il les passe dans la lecture. Jusqu'à ce qu'il ait rapporté que certains pieux prédécesseurs, en une nuit, ils lisaient un volume. Chaque nuit, il lit un volume. Des gros volumes, eux, c'était en une nuit. Nous, parfois, un petit livre, il nous faut, et on est gentil, hein, quand on dit 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et certains frères, parfois, on leur demande depuis quand tu n'as pas lu un livre, du début à la fin. Un livre entier, des petits livres. Même maintenant, on a une facilité sur des traductions de livres, des livres résumés, même parfois les traductions sont résumées. En combien de temps, par exemple, les frères, on lit, par exemple, la description de la prière du prophète, c'est pas ça, le Nabi, le Cheikh Al-Ben. Un livre qui est court, en réalité. En combien de temps? Les grands savants, parfois, en une nuit, te lient un mujallad complet, en arabe. Des livres difficiles. Certains savants se sont concentrés sur Majmou' al-Fatawa. En très peu de temps, les Fatawa de Cheikh Saint-Témiel, ils ont lu, ça se compte, parfois en jour. Un grand savant, contemporain, un de ses élèves lui dit, j'aime bien les livres, j'ai une grande bibliothèque et je fournis 5 heures de lecture par jour. Regardez, 5 heures de lecture par jour. Il dit à son chef. On ne parle pas ici de mémorisation. Le temps, après Salat al-Fajr, pour la mémorisation du Coran, pour la mémorisation de la Sunna, des hadiths du prophète. On parle de ce qu'on appelle al-mutala'a. Al-mutala'a, c'est la lecture des livres. la lecture des livres. Alors, il dit à son cher, j'ai 5 heures par jour de lecture, de livres. Son cher lui dit, en ce qui concerne ton amour pour les livres, c'est bien, le fait que tu aies un amour pour les livres et que tu as une bibliothèque et que tu as des heures fournies dans la lecture des livres. Il dit, c'est bien. Par contre, 5 heures, c'est pas beaucoup, c'est pas assez vite. Il dit, on a des élèves ici qui ont du 12 heures par jour de lecture. 12 heures par jour de lecture. Lorsqu'on vous dit que l'aim, talab l'aim, c'est un jihad. Lorsque les savants vous disent que talab l'aim, c'est un jihad, c'est un combat sur soi-même, c'est pas pour rien. Si tu vois que tu es en train d'étudier, mais en vérité, tu fais pas un jihad sur toi-même, c'est pas ça talab l'aim. Lorsque tu seras vraiment talab l'aim, un étudiant, tu vas comprendre vraiment, là, tu vas sentir que tu es en train de combattre sur toi-même. Tu es en train de combattre ton art. Pourquoi ? Parce que lorsque les frères parfois t'appellent, viens avec nous, on va manger un sandwich. On va voir quelque chose, on va faire cette chose, divertissement. Toi, tu vas rester là, chez toi. Tu n'as pas de temps, j'ai un livre à terminer. J'ai pas de temps, j'ai ici, ici, là, une série de cours audio à terminer. J'ai pas de temps, j'ai tel livre à terminer ma révision. J'ai pas de temps, j'ai une révision d'arabe à faire. J'ai pas de temps, j'ai des sourates à réviser. J'ai pas de temps, j'ai des parties du Coran à réviser. Là, tu vas voir, alors que parfois on t'appelle à te divertir, toi, tu vas combattre ton âme à rester avec tes livres. Jusqu'à ce que certains savants disent, le livre est devenu mon compagnon. Son compagnon, c'était le livre. Lorsque ton âme va te dire, viens sur internet, il y a des bons trucs à savoir, t'as vu, il y a une polémique entre un tel et un tel, toi, ah non, j'ai pas de temps, j'ai une révision. Lorsqu'on t'appelle pour rester des demi-heures au téléphone, pour à la fin, tu te rends compte, t'as parlé de tout et de rien, toi tu dis, je n'ai pas le temps, j'ai une révision à faire ou j'ai un livre à lire. Comme nous a rapporté le Cheikh Hassan Tebir, regardez, un jour qu'il était avec ses frères, et un jour, ils avaient un jour de divertissement. Ils avaient un jour de divertissement, alors ils sont partis. Ils ont dit à Chir de venir avec lui, Cheikh Hassan Tebir. Mais lui, il a réfléchi, en fait, quand il n'est pas parti. Alors eux, ensuite, ils sont partis. Et lui, il est resté. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit à Cheikh Hassan Tebir, ils ont raconté qu'est-ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont visité, ils ont fait une promenade, ils ont vu du paysage, etc. Ils ont vu ce jour de divertissement, ce jour ici, ce qu'ils ont fait comme visite, et ce qu'ils ont vu comme paysage, etc. Ils ont dit, toi, qu'est-ce que tu as fait ? Il leur a dit, j'ai appris un livre. Il a appris par cœur à l'ordre. C'est un livre, pour illustrer, c'est un livre qui s'étudie à la faculté en Arabie Saoudite, pour les étudiants à la faculté, c'est un livre qui s'étudie, c'est-à-dire qu'on étudie le commentaire de son livre en 4 ans. En 4 années, ils étudient ce livre-là. Lui, il l'a appris en une journée. Et lorsqu'on dit 4 ans en Arabie, c'est-à-dire dans l'université, en faculté, ils apprennent le commentaire en 4 années. Lui, il l'a mémorisé. Ça, c'est juste, ici, des petits exemples pour vraiment illustrer la personnalité du talab l'aim. Cheikh Al-Albani, pour revenir ici, Cheikh Al-Albani a passé des heures dans la lecture, jusqu'à ce que certains savants disent qu'il a eu, ici, il a lu des livres. Il a eu le privilège de lire certains livres que beaucoup de savants n'ont pas lu. Et beaucoup d'autres gens de science n'ont pas eu le privilège de passer par ces livres-là. Et si on attend la fin, je vais vous illustrer certaines paroles de grands savants contemporains qui ont rencontré Cheikh Al-Albani, et eux sont des savants. Et que leur jugement à eux, eh ben, on considère comment ils vont nous illustrer et nous décrire Cheikh Al-Albani. Alors Cheikh Al-Albani, lui, a donné ses heures ici dans la lecture du Coran. Et alors Cheikh Al-Albani, par exemple, il est dit qu'à 20 ans, à l'âge de 20 ans, Cheikh Al-Albani commence à étudier ici, là il s'est vraiment mis dans la science du hadith. Donc avant 20 ans, qu'est-ce que Cheikh a appris ? Le Coran, la grammaire, la conjugaison, le fait que la jurisprudence, selon le madhhab, il a appris la jurisprudence selon le madhhab Hanafi, il a étudié chez des maîtres ici, etc. Jusqu'à un moment, arrivé à un degré de science, il commence à s'orienter et Allah lui a donné cette facilité ici, cette occasion de s'orienter vers une science noble et méritoire, l'une des plus grandes sciences la science de la sunna du prophète Sam, la science du hadith. Et il dit ensuite, il a commencé à s'orienter vers la science du hadith. Il a été encouragé par des revues égyptiennes qui s'appelaient Al-Manar, qui fut publié à l'époque par le cheikh Mohamed Rachid Rida ici. D'ailleurs, ici, Cheikh Al-Albani a fait l'éloge ici de certains savants comme lui, ainsi que de cette revue. Il dit, Cheikh Al-Albani à l'époque, il a dit, il est du devoir des gens de bienfaisance de reconnaître la supériorité ici, alors par la grâce d'Allah de leur père, il dit, alors par la grâce d'Allah le mérite de mon attachement à la salafiyya. Il dit, et de mon acharnement à identifier les hadiths faibles. Et dit, revient à ce savant qu'on a cité précédemment à travers la façon dont il a préparé la revue Al-Manar à laquelle j'ai eu recours alors que je commençais à étudier la science du hadith. Et Cheikh Al-Albani poursuivit en disant, lui-même il a dit, de mes lectures, celles pour lesquelles je me passionnais furent, au départ, il lisait même dans des livres d'histoire, des récits, des histoires des peuples arabes, etc. Ensuite, il lisait même des revues qui n'avaient rien à voir avec des revues parfois de science et des livres de science. Tellement c'est des personnes qui lisaient, jusqu'à ce qu'ensuite il a donné tout son temps dans la lecture des livres de la Sunna. Il dit, un beau jour, j'ai trouvé un exemplaire de la revue Al-Manar, cette revue qu'il parle, que rédigeait, qu'écrivait dans cette revue, Mohamed Rachid Rida. Il dit, un beau jour, je trouvais un exemplaire de la revue. Il dit, exposé parmi d'autres livres, et il dit, je l'ai acheté. J'ai acheté cette revue. Je suis alors tombé, sur une critique écrite par Rachid Rida, justement par lui, par ce chef-là. Sur le livre Al-Ihya de l'imam Al-Ghazali. Il y avait une critique sur ce livre et des points aussi sur cela. Il dit, c'était la première fois que j'étais face à une telle critique scientifique. Ce qui m'incita à lire entièrement cette partie de la revue. Par la suite, je me consacrai pleinement au sujet de ce livre, Al-Ihya, qu'avait rédigé l'imam Al-Ghazali, en empruntant le livre qui comprenait Al-Takhrij de Hafid al-Iraqi, car je n'avais pas les moyens de l'acquérir. Fasciné par la précision du Takhrij, c'est lorsqu'on cite les chaînes de transmission, on relate qui est-ce qui rapporte, les rapporteurs, leur fiabilité, leur authenticité, et si j'étais fasciné par ce Takhrij de cet ouvrage, je me mis à le recopier, voire à le résumer. Il l'a recopié, il l'a résumé. Et ça, c'était lorsque vous lisez la vie et l'histoire des grands savants, il est connu qu'ils recopient les livres. Des grands savants, il a rapporté qu'ils ont recopié des mujalladat, des volumes et des volumes de leurs mains. De leurs mains, ils recopient des volumes. Donc, ça, c'est une méthodologie saisante. Lorsque vous lisez un livre, si vous n'avez pas recopié tout le livre, si vous n'avez pas les moyens de faire résumer les livres, lorsque vous lisez un livre, résumez-le, prenez les points importants que vous voulez mémoriser, apprendre, résumez ces points-là dans un livre. Vous allez voir, si vous êtes éduqué sur une méthodologie du livre, vous n'allez pas perdre votre temps. Et vous allez voir, vous n'aurez pas de temps à la polémique, aux fausses polémiques, etc. Et vous allez être pris par le temps dans la lecture parce qu'il n'y a pas de temps. Il faut un temps de la journée pour mémoriser. Il faut un temps de la journée pour lire, il faut un temps de la journée pour écrire et résumer ce qu'on a lu, il faut un temps de la journée pour réviser ce qu'on a appris, il faut un temps de la journée pour l'apprentissage de la langue arabe, pour l'apprentissage des règles de tajwid, du Coran, l'apprentissage de la lecture, etc. Maintenant, dites-moi, où est le temps? Où est le temps ensuite pour apprendre la croyance? Kutub al-Aqidah, les livres de croyance, pour apprendre le fiqh, pour apprendre la jurisprudence, pour apprendre tous ces livres. Où est le temps? Mafi waqt. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. C'est pour cela que, si vous regardez, pour ça je vous dis, regardez les biographies, lire dans les biographies des grands saints, vous allez voir qu'il y a une grande incitation pour Tarabalé et pour l'ascétisme et pour la piété. Tellement qu'il est rapporté, regardez, tellement qu'il est rapporté que les grands savants, étaient fervents dans leur autocritique, de s'autocritiquer et de se faire des examens de conscience au niveau de leur temps. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur temps? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces instants qu'ils vivent dans cette vie ici-bas? Il est rapporté qu'un pieux prédécesseur, un salaf, un jour, il a fait son autocritique et il s'est dit, eh ben, il va regarder son temps. Donc il a commencé à regarder à quel âge. Il arrivait à plus de une soixantaine d'années, il regarde son âge. Il regarde et par rapport à son âge, il a réfléchi, il s'est imaginé s'il avait un péché par jour. S'il avait un péché par jour. Il a commencé à compter les jours qu'il y a dans une soixantaine d'années, dans 60 ans. Une personne qui a vécu 60 ans, combien il y a de jours? Allah a'lam, je ne me rappelle plus du nombre exact, c'est à peu près plus de 25 000 jours à peu près, vous pourrez faire votre calcul. Il a commencé à compter, il a trouvé un nombre exact. Il a réfléchi si pour chaque jour il a ne serait-ce qu'un péché. Il s'est dit, il a commencé à pleurer. Il pleurait, il n'arrivait plus à s'arrêter de pleurer. Et il disait, malheur à moi si je rencontre Allah avec plus de 25 000 péchés. C'est-à-dire que s'il a un péché par jour, il a compté, c'est-à-dire en 60 ans, et bien ensuite il a une quantité de péchés par jour, un péché. Et il dit, malheur à moi, il commence à pleurer, si je rencontre Allah avec ces plus de 25 000 péchés ici. Un savant qui a fait une annotation sur cette histoire, il dit, quel est le cas de ceux qui ont des dizaines, voire des centaines de péchés par jour? Kif yalqa Allah? Comment est-ce qu'il va rencontrer Allah? Tout ça, c'est des choses à prendre en considération. Tes minutes, et d'abord tes secondes, tes minutes, tes jours, tes mois, tes années, fais ton autocritique, tu passes ton temps à quoi? Et ça s'adresse aussi bien pour les frères que pour les sœurs aussi. Vous passez votre temps à quoi? Si tu passes ton temps au téléphone, tu passes ton temps à dormir, tu passes ton temps, tu le perds ton temps, et bien tout ça c'est inscrit. T'enlèves l'ilm si tu es en quête de science et tu prends comme ici exemple et modèle ces grands savants, ces grands ulama, et bien tu verras parmi les exemples et parmi les choses que tu vas apprendre de ces grands ulama le fait de ne pas perdre son temps. Donc Cheikh Albani ensuite, lorsqu'il fut fasciné par ces livres-là, alors ensuite il s'est mis à faire un grand effort. Il a commencé à écrire des ouvrages, c'est-à-dire à résumer des ouvrages ici de Saint-Marc. Il dit de fil en aiguille, écoutez bien ce qu'il dit, de fil en aiguille, je finis par trouver une méthode me permettant de compiler toutes ces informations. Il a compilé toutes les informations. À l'heure actuelle, beaucoup de gens ne connaissent pas le mérite, la science de cette science. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un spécialiste qui peut reconnaître le mérite du spécialiste et le degré du spécialiste. Un petit qui n'a même pas encore senti, on dit bien sentir, la science du hadith, ou bien il n'a même pas mis le pied encore dans la science du hadith, comment vous voulez qu'il reconnaisse les mérites et le degré de science qu'avait Cheikh Al-Albani? Vous savez, Cheikh Al-Albani, il a rapporté lui, qu'est-ce qu'il dit? Muhaddith al-Islam. Muhaddith al-Asr. Le Muhaddith al-Islam, le Muhaddith contemporain. Comme vous allez voir les éloges que vont venir ensuite. Il dit, je pense que cet effort fourni lors de la retranscription, lorsqu'il a écrit ce livre-là, et surtout le livre de cette critique, il dit, a suscité une vocation et m'a incité à poursuivre ce chemin. Notons qu'en plus de la difficulté liée au tahrij, j'ai eu recours à plusieurs ouvrages afin de comprendre l'essence même du texte. C'est-à-dire, pour comprendre l'essence même de ce livre-là, du texte-là, il a eu recours à d'autres ouvrages. Alors il est dit, Cheikh Al-Albani, il a donc entrepris de copier ce livre dont le titre est... Ensuite, le livre a eu un titre. Il a recopié le livre et ça a donné un titre à un livre. Ensuite, il l'a organisé et il l'organisa et l'ordonna. Tels furent ses premiers travaux sur le hadith. Donc, il a eu des premiers travaux en ce qui concerne la science du hadith. Et le livre, il est resté un manuscrit. C'est resté un livre qui fut un manuscrit en 3 tomes. Et ce livre-là, vous savez, compte combien de pages? C'est un livre en 3 tomes. Il compte plus de 2000 pages. qui a écrit Shirk, c'est ses premiers, ici, c'est ses premières investigations, si on peut dire. Première chose qu'il écrit, ça, plus de 2000 pages, ici. Il est dit, ce travail, donc, fut le début d'un grand bien pour lui. D'un grand bien pour lui. Il a d'ailleurs marqué un tel intérêt pour la science du hadith que son père le lui a reproché en disant « La science du hadith est une affaire. Est une affaire de mefaïs. » Même son père, il a vu ensuite que Shirk al-Bab, son fils, était vraiment... Maintenant, il avait une vocation pour la science du hadith. Certains, même, lorsqu'ils ont vu Shirk al-Bab, ici, comment est-ce qu'il disait, comment est-ce qu'il était fervent ici dans sa recherche, dans sa lecture, des gens de son époque qui l'ont connu étaient étonnés. Même des gens qui étaient des savants, ils étaient étonnés. Ils étaient très étonnés. À ce propos, Chir, il dit, depuis ma plus tendre enfance, Chir al-Bani, regardez ce qu'il dit, depuis ma plus tendre enfance, Allah le Très-Haut m'a orienté par sa grâce vers ce métier, donc il avait une vocation. Shirk al-Bani était un horloger. Il travaillait dans l'horlogerie ici. Et Shirk, il est dit que ça c'était juste pour gagner sa vie. Et Shirk, il est dit, il travaillait un temps minime, infime, juste pour gagner de quoi vivre. Ensuite, le reste du temps, il allait à sa vocation qui était la lecture et la recherche. La lecture et la recherche. Jusqu'à ce qu'il dit, depuis ma tendre enfance, Allah le Très-Haut m'a orienté par sa grâce vers ce métier qui était l'horlogerie. Cette activité m'offrait une liberté qui ne pouvait m'empêcher de m'investir dans la science de la sunna. Dans la science de la sunna. Regardez-lui, Shirk al-Bani avait un métier pour gagner sa vie, pour ne pas être ici dépendant des autres, et gagner sa vie lui-même, mais il n'a pas cherché un métier qui gagne sa vie, qui lui occupait toute la journée, jusqu'à voir il n'a plus de temps pour étudier. Il avait un métier qui lui permet, qui lui donnait une liberté pour pouvoir se consacrer à la science du hadith. Il dit, alors ça m'a offert une liberté qui ne pouvait m'empêcher de m'investir dans la science de la sunna. J'y consacrais 3 heures par jour, hormis les mardis et vendredis. Ce qui m'a permis de subvenir correctement aux besoins de toute ma famille. Aux besoins de toute ma famille. Bien évidemment, nous nous contentions de peu. Pourquoi il se contentait de peu, Shirk al-Bani ? Il se contentait du nécessaire. Pour qu'ensuite, il ait tout le temps pour se consacrer à sa vocation. Il dit, bien évidemment, on se contentait du peu. Une des invocations du Shirk rapportée par Sheikh Khan est la suivante, Seigneur, faites que la communauté de Mohammed ne manque jamais de moyens de subsistance. Il dit, tout le reste de mon temps était consacré à la quête du savoir. Il dit, l'écriture et l'étude des livres du hadith, et particulièrement les manuscrits qui se trouvent dans la bibliothèque al-Zahiriyya, ici, qui était à Damas. Cette grande bibliothèque célèbre, que je fréquentais autant que ses propres employés. Il était assidu à la bibliothèque ici de Damas, cette célèbre bibliothèque al-Zahiriyya ici, autant que l'étaient les employés de la bibliothèque. Il dit, j'y passais 6 à 8 heures par jour. 6 à 8 heures par jour, en fonction de mes horaires estivales et hivernales. 6 à 8 heures par jour. Il est dit, il y restait parfois 12 heures d'affilée. 12 heures d'affilée dans la bibliothèque. Et n'arrêter la lecture ou la rédaction des commentaires que pour la prière. Que pour la prière. La plupart du temps, il y déjeunait même. Il déjeunait à cet endroit. Il déjeunait à cet endroit et ensuite c'était la lecture. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'administration ensuite, l'administration de quoi ? La bibliothèque. Les responsables de la bibliothèque ensuite lui avaient réservé une pièce dont il disposait à sa guise. Ensuite, tellement ils l'ont vu, il était là, des 12 heures par jour d'affilée chez Al-Bad, Al-Bad. Ensuite, ils lui ont donné une pièce spéciale pour lui. Ensuite, le matin, il arrivait avant les employés. Lui-même, il était là avant les employés. Il arrivait avant les employés. rentrer chez eux le matin, il arrive avant les employés, qui parfois rentrait chez eux dans l'après-midi. Quant aux chiffres, regardez, il s'y attardait tant que le Seigneur lui permettait. Et il lui arrivait parfois de prier les Isha sur place, puis de s'en aller. Tous ceux qui le voyaient à cette époque dans la bibliothèque mesuraient son application et son désir d'utiliser son temps de la meilleure façon. Même des professeurs à l'époque, ils disaient à l'époque, un éminent professeur, c'est un géographe et un historien, un généalogiste, il disait, j'ai connu dans la ville de Damas un bon nombre de spécialistes du hadith, du tahrij, des anciens ouvrages. J'ai également connu Cheikh Nasr al-Din al-Albani en raison de mes fréquentes visites de cette bibliothèque-là. Et il était considéré comme l'un de ses piliers. Cheikh al-Albani, à la fin, est devenu pilier de la bibliothèque. Il a composé plusieurs de ses index et a épluché ses manuscrits les plus rares. Parallèlement, il était horloger. Il travaillait dans l'horlogerie, comme on a dit, et possédait une petite école près de la porte de la mosquée des Omeyyades. Il travaillait juste en face. Il avait un petit ici, échoppe ici, juste en face de la mosquée des Omeyyades, qui est très célèbre, hein, la grande mosquée des Omeyyades. Il dit, en dehors de cette bibliothèque, il a pu capitaliser une somme de conséquences importantes, de connaissances plutôt importantes, grâce à l'existence de quelques librairies commerciales. C'est-à-dire qu'il ne s'est même pas contenté, Cheikh al-Albani, de cette bibliothèque-là. Il y avait des autres librairies commerciales qui vendaient des livres. Même ces librairies-là, il revenait là-bas. Il allait même là-bas. Tel est le cas de nombreuses librairies qui étaient là-bas à l'heure actuelle. L'un des derniers ouvrages qu'a écrit Cheikh al-Albani, sur lequel il a travaillé, Cheikh al-Albani, était Ta'dhib Sahih al-Jami'a. Il dit au début de son projet, regardez, un des personnes qui relate, qui dit que Cheikh al-Albani lui a dit, il m'a dit au début de son projet, ma maladie m'a empêché de bouger et je ne supporte pas de passer mon temps à rien faire. Ce projet s'est imposé à moi à cause de ma maladie et de mon incapacité. Regardez, même lorsqu'il était malade, parmi ses derniers projets qu'il a fait, eh ben, sa maladie parfois qui l'empêchait de bouger, eh ben, il n'a pas succombé, c'est-à-dire il ne s'est pas laissé aller avec ça, et il a commencé, ou plutôt il a continué ici, eh ben, ses écrits, il a continué ses travaux et dans sa vocation. Les commentaires sur la vie de Cheikh al-Albani sont nombreux. Là, je vous ai fait un bref résumé puisque le temps est restreint ici. Donc, je voudrais faire de revenir à des livres qui, justement, qui parlent sur la vie de Cheikh al-Albani. Si vous regardez sa manière dont il a appris, ses heures qu'il a passées dans des livres, et c'est quelque chose de très étonnant. Et le temps de l'Ibrahim, ici, il va avoir un modèle, ici, à suivre ici. Alors, en son temps, il a prié. Cheikh, il a prié en son temps par ses connaissances inestimables dans le domaine du hadith du prophète, alayhi. Et tous les gens de science de l'époque, eh ben, vantaient les mérites ici de Cheikh al-Albani. Cheikh Ben Baz, en l'occurrence. Donc moi, je vous relate. Les paroles de Cheikh Ben Baz sont nombreuses. Sur, ici, l'éloge de Cheikh al-Albani. Mais je vous relate très brièvement quelques paroles pour qu'on puisse terminer très vite, Inch'Allah, sont nombreux, je ne vais pas tous évoquer. On se restreint à certains grands savants contemporains, certaines références contemporaines, sur lorsque des gens viennent, puisqu'on va parler de ça, lorsque des gens viennent et essayent de vous parler de Cheikh al-Albani, et bien revenez à ces éloges de ces grands savants, ces grandes références. Et après l'éloge de ces grandes références, qui est-ce que vous allez suivre après l'éloge de ces grandes références? Le grand savant Cheikh Abdelaziz Ben Baz, rahmatullahi alayhi, qui était un contemporain de Cheikh al-Albani, il le connaissait particulièrement et personnellement. Il disait à son sujet, je ne connais pas sur terre. Vous avez ici l'éloge, ici, la mention d'un grand savant, Cheikh Ben Baz, rahmatullahi alayhi. Plus plus l'éloge elle est faite d'une référence d'un grand savant, plus l'éloge est de référence. قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه يقول je ne connais pas sur terre parmi nos contemporains plus savant que Cheikh Nasr pour ce qui est de la science du hadith. Il l'a également décrit comme étant Mujaddid, un réformateur, un revivificateur de notre époque. Vous connaissez dans le hadith, le prophète nous dit à la tête de chaque siècle, Allah va mettre un homme ici qui sera revivificateur, traduction latine, revivificateur qui va revivifier Sunnah, Ad-Din, la religion. Regardez, c'est l'éloge ici de Cheikh Ben Baz. Et il dit, je ne connais pas sur terre un plus grand savant dans le domaine de la science du hadith, c'est Cheikh Nasr al-Albani, rahmatullahi alayhi. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il disait, en disant, en traduisant la science, je vous fais tout de suite ici les récits en français parce qu'on n'a pas le temps d'arabe. Cheikh Nasr disait, Cheikh Ibn Uthaymeen disait, en ce sens, sur l'Albani. Certes, il est le savant du hadith de notre époque. Il est le savant du hadith de notre époque. Et il a dit de lui encore qu'il possède un savoir dans la science du hadith intarissable. Le comité permanent, l'ajnatib da'ima al-fatwa. L'ajnatib da'ima. Ici, le comité permanent des grandes fatwas en Arabie Saoudite. Ils ont dit, ils ont loué Cheikh Albani en ces termes. Pour ça, moi, je vous ramène les plus grandes références contemporaines. Il a une grande connaissance du hadith. Il possède une grande faculté de critique qui lui permet de faire la part des choses entre le récit authentique et le récit faible. هذا الكلام للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وقال الشيخ أحمد أو الشيخ محمد الأنصاري الشيخ محمد الأنصاري disait un grand savant contemporain parmi les illustres savants contemporains, il disait au sujet de Cheikh Albani, a affirmé qu'il avait une large connaissance dans la science du hadith. Le plus grand spécialiste du hadith en Inde a vu en Cheikh Al-Albani le plus grand spécialiste des hadiths du prophète sallam de cette époque. Cheikh Al-Albani, un savant contemporain du hadith, Cheikh Mohammed Ali Adam al-Ethiopie a dit à son sujet, au sujet de Cheikh Al-Albani, il possède ce grand talent qui lui permet d'authentifier, de juger faible un hadith, ses ouvrages inestimables en sont une preuve. Peu de gens peuvent se prévaloir de ces connaissances à une époque qui souffre de la grande ignorance des gens pour cette science-là. Cheikh Abdel Mansour Abed Kadhalik, le grand muhaddis de Médine, même lui fait les éloges de Cheikh Albani. Cheikh Mokbel ibn Hadi al-Wadi'i a fait des éloges de Cheikh Albani, jusqu'à ce qu'il a dit « je ne ferai plus d'introduction » pour ses élèves qui parfois faisaient des petites réfutations Cheikh Albani pour des questions de fiqh. Par exemple, la question est-ce qu'on bouge le doigt pour Teshahoud. C'était connu que Cheikh Mokbel lui voyait qu'on ne bouge pas le doigt, Cheikh Albani voyait qu'on bouge le doigt. Donc des élèves de Cheikh Mokbel parfois, rédigeaient des livres, ils répondaient à Cheikh Albani sur la question est-ce qu'on bouge le doigt. C'est une question de jurisprudence. Donc il n'y a pas de mal de dialoguer et même de débattre sur ces questions-là. Et dit, je ne ferai plus d'introduction de préface sur ces livres-là. Cheikh Mokbel ibn Hadi al-Wadi'i, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, sa défense de Cheikh Albani est inestimable. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, en l'occurrence, est attaqué de la sorte. Pourquoi? Parce que parmi les choses que les gens lui reprochent, beaucoup de ses antagonistes, c'est sa défense de Cheikh Albani. C'est pour cela que beaucoup de gens, concernant le titre de ce séminaire, ont été touchés, ont polémiqué, n'ont pas été d'accord sur le titre de ce séminaire qui est Al-Haddadiyya. Et qu'on parlera, les frères qui vont intervenir vont vous parler de Al-Haddadiyya, en l'occurrence. Alors on a dit, le séminaire ne porte le nom de personne, d'une personne précise. On n'a pas mis le nom d'une tierce personne. On n'a pas mis le nom d'un savant au titre du séminaire, d'un savant qui serait touché par cela. On n'a pas mis le nom d'une tierce personne, on n'a pas mis le nom d'une mosquée. Toute personne qui se reconnaît dans le Haddadiyya, eh bien, remets-toi en question. Donc si des gens se sentent civilisés, c'est qu'ils ont quelque chose. En l'occurrence, pourquoi on cite ce cours? Pourquoi on fait la biographie de Cheikh Al-Albani? Et pourquoi on parle de la croix de Cheikh Al-Albani, qui est une référence contemporaine, puisque des gens essaient de toucher l'honneur de Cheikh Al-Albani en disant Annahu Murji. Yaqulun Annahu Murji, ou Al Aqal Yaqulun Annahu Indahu Irja. Ils disent que c'est un Murji, ou bien, on ne va pas dire les meilleurs d'entre eux, mais ceux qui, ici, ont dit une parole qui est moindre que celle-ci, ils disent il a du irja pour ne pas dire qu'il est murji. Il touche à l'imam de la sunna, à l'imam contemporain de la sunna. Pourquoi? En réalité, c'est pour remettre en cause manhaj al-salaf. Manhaj al-salaf. Tu touches les imams de la sunna en réalité pour remettre en cause manhaj al-salaf. Lorsque cela est venu des gens de l'innovation, des gens qui n'aimaient pas ce manhaj, on ne suis pas étonné. Mais lorsque maintenant ça vient des gens qui intasibuna ila hada al-manhaj, ils s'adhèrent, ils disent qu'ils sont du manhaj al-salafi, etc. On voit des gens qui adhèrent à ce manhaj, qui s'appartiennent à ce manhaj, en disant que Cheikh Al-Albani a du irja, fahada la naqbaluhu. Ça on l'accepte pas. Ça on l'accepte pas. Surtout des gens qui sont venus et qui veulent véhiculer ça après la mort de l'imam Cheikh Al-Albani. Même Anahada, Cheikh a du irja, Cheikh c'est un murji. C'est quoi le sens de cela? Les murji, l'irja, c'est quoi ceux qui sont murji? C'est une secte. C'est une tendance innovatrice qui est apparue à un certain moment. Qu'est-ce qu'il y a pour l'Hada les Cheikh Al-Albani? Ensuite, ils vont vous justifier cela. Non, on aime Cheikh Al-Albani, l'Athir, mais il faut recueillir la du irja. Qu'est-ce qu'il y a? Cheikh Al-Athir, souris. On a interrogé, il fut interrogé Cheikh Al-Athaymi de son vivant. Les chiens des gens disent que Cheikh Al-Albani a du irja. Cheikh Al-Athaymi a répondu. Celui qui dit que Cheikh Al-Albani a du irja, il y a deux causes. Soit c'est un ignorant du sens vraiment qu'est-ce que l'irja et qu'est-ce que le murji'a, soit c'est un ignorant, soit deuxièmement il ne connaît pas Cheikh Al-Albani. Comment ça se fait à l'époque de Cheikh Al-Albani? De Cheikh Ibn Athaymin, de Cheikh Maqbal ibn Hadi al-Wadi'i, de ces grands savants, de ces références contemporaines, ils ne l'ont pas dit. Pourquoi vous venez après le décès, la mort de ces grands imams, de ces grands savants, et à présent vous imputez Cheikh Al-Albani al-Murji? Et ensuite, on nous dit qu'il ne faut pas défendre le Cheikh. Pourquoi on ne défend pas les grands imams de la Sunna? Les savants parmi la génération de nos pieux prédécesseurs disaient que celui qui dénigre l'imam Ahmed ibn Hanbal, fa'alam annahu sahibu hawa. Celui qui dénigre à l'époque Ahmed ibn Hanbal, il disait les gens de son époque, fa'alam, sache que c'est des gens des passions. Et il disait à l'époque de Abu Hatim al-Razi, celui qui dénigre Abu Hatim, fa'alam annahu sahibu hawa. Sache que c'est un homme des passions, de l'innovation. Pourquoi? Parce que c'est des références. Et seuls les dénigrent. Et les aiment pas les gens dépassés. Donc nous, on n'accepte pas, comme les savants n'ont pas accepté, qu'on dénigre Cheikh Al-Albani. Malheureusement, le temps est court ici, mais si vous lisez, et si on a le temps de prendre un autre passage ici, soit aujourd'hui, si on peut prendre quelques minutes pour terminer cette assemblée ici, il y a une autre intervention ici. Donc, pour laisser le temps à cette autre intervention, on essaiera, Inch'Allah, si on a la possibilité, Wallahu A'lam, aujourd'hui, de prendre quelques minutes, Inch'Allah, sinon une prochaine fois, d'évoquer la réponse à cela, de prendre ici des paroles de Cheikh Al-Albani, des paroles de Cheikh Al-Albani, que ce soit dans certains ouvrages à lui, lorsqu'il fait des annotations dans son livre authentique, lorsqu'il rapporte des hadiths qu'il a jugés authentiques, ou bien dans des autres à lui, où on voit bien que Cheikh Al-Albani, il a des propos qui ne sont pas détaillés, qui ne sont pas vraiment clairs, et des propos qui sont détaillés, où que Cheikh Al-Albani voit que les actions font partie de l'iman, et que l'iman yazid, voyons tous. Et que l'iman diminue et augmente. Et que la foi, c'est quoi? Puisque Murji'a, c'est quoi? C'est ceux qui ont fait, qui ont discerné entre l'iman, qu'on ne peut pas en réalité traduire par la foi, l'iman c'est un terme plus vaste. L'iman, la croyance, eux, Murji'a résument l'iman en une croyance du cœur, ou une connaissance du cœur, ça c'est le Jahmiya. Et d'autres, Murji'a et Fuqaha, sont venus plus tard en disant que l'iman c'est la croyance du cœur et avec la parole de la langue. Et on pas rentrer dans cela les actions des membres, les bonnes actions. Cheikh Al-Albani, on voit dans ses explications qu'il réfute même une référence contemporaine de Murji'a. Il réfute même dans ses annotations qu'il a dans Al-Aqidat al-Tahawiyya. Al-Aqidat al-Tahawiyya, il réfute même une référence contemporaine sur de Murji'a. Il le réfute en disant que les actions font partie de l'iman. والإيمان يزيد وينقص وكما تعلمون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فلا شك أن الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله هو عالم من أعلام علماء السنة في هذا العصر وقد أطبقت كلمات العلماء بالثناء عليه وعلى عقيدته ومنهجه السلفي الصافي ومعلوم لدى القاصي الداني أن أهل الأهواء والبدعي تكالبوا على بغض هذا الشيخ الإمام لما له من آيات بيضاء ومنهم من رماه فمنهم من رماه بالإرجاء ويقولون بقول جهم ابن صفوان إلى آخره وأرادوا أن ينالوا من مكانة هذا الإمام في قلوب أهل السنة حتى يستطيعوا بعدها أن يطعنوا في منهجه السلفي الصافي ومن ثم يتسنى لهم إدخال أفكارهم وعقائدهم ومناهجهم الفاسدة على الشباب السلفي ويلبسون عليهم ويلبسون لباس المنهج السلفي كذبا وعدوانا واستخدموا في ذلك سلاح الجهل والتهويل والزر والبهتان ثم ظهرت فئة من الناس هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وينتسبون إلى المنهج السلفي ثم يرمون هذا الإمام السلفي بأنه يقول في الإيمان بقول المرجئة ثم يزعمون أنهم لا يطعنون فيه ثم يزعمون ويدعون أنهم يحبون الإمام الشيخ الألباني وأنهم لا يطعنون فيه ولذلك أحببنا وأحببت أن أقول هذه الكلمة بيانا لعقيدة الإمام الشيخ الألباني. Mais c'est pour ça que c'est très important ici, les frères, de connaître la vie de ce grand imam, de ce grand savant, et de connaître réellement la croyance de ce grand savant. On va se contenter de ça ici, et juste pour vous dire que min alamat al-haddadiyya, parmi les signes de al-haddadiyya, c'est qu'ils ont, même s'ils ne le disent pas, une aversion vers Cheikh Al-Albani, même s'ils ne le disent pas. Ils vont dire on aime Cheikh Al-Albani, on ne veut pas dénigrer Cheikh Al-Albani, mais il a du irjal. Ça veut dire quoi cela? Qu'est-ce qu'ils veulent en disant ça? Est-ce que Cheikh Nafemil l'a dit? Est-ce que Cheikh Ben Baz l'a dit? Est-ce que Cheikh Mokbel, rahmatullahi alayhi, l'a dit? Est-ce que les grands savants le disent? Là, pourquoi ils disent cela? Pour dénigrer Cheikh Al-Albani, pour faire douter les gens de la salle Cheikh Al-Albani. Alors c'est une référence contemporaine sur le manhaj salafi. À la fin, ils vont faire douter les gens de ce manhaj. De ce manhaj. Pour ça, c'est très important, les frères, de savoir c'est un grand imam. Et pour connaître vraiment sa croyance, ainsi que sa masalat et l'imam, il faut revenir à ses audios, à ses dolous, à ses écrits, et prendre toutes ses paroles. Pas prendre une parole. Une parole, et délaisser toutes les autres paroles relatives à masalat et l'imam. Il faut prendre toutes les paroles de Cheikh, l'imam, l'albani, toutes ses paroles. Et là, vous pouvez voir ici sa croyance en ce qui concerne الإيمان مسألة الإيمان. Vous pouvez voir ici que Cheikh Al-Albani a fait le comment. auteur de nombreux livres. Et il a fait aussi l'étude de nombreux livres. Lorsqu'il a fait ce qu'on appelle le takhrij, lorsqu'il a sorti les hadiths et fait le jugement de certains hadiths faibles ou fiables, etc. Comme يعرف صغار طلبة العلم أن الألباني رحمة الله عليه قام بتحقيق وإخراج رسائل وكتب كثيرة في الإيمان عن عقيدة سلفنا الصالح منذ سنوات طويلة تزيد على 20 عاما. Depuis plus de 20 ans, plus d'une vingtaine d'années, Cheikh Al-Albani faisait le takhrij de certains livres. Il faisait des investigations, des enquêtes sur certains livres, sortait ici les récits en donnant un jugement sur l'authenticité ou la fiabilité. Et certains livres ici, des livres qui étaient basés sur la croyance. ومن ذلك كتاب الإيمان ابن أبي شيبة وكتاب الإيمان ابن وكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام وكتاب شرح الطحاوية لابن أبي العز وكتاب الإيمان للشيخ الإسلام بن تيمية. والناظر في هذه التحقيقات العلمية الفريدة وتعليقاته عليها يرى بجلاء موافقة الإمام الألباني رحمه الله لعقيدة السلف الصالح في الإيمان جملة وتفصيلا. Donc il a fait des investigations sur un certain livre, en l'occurrence ici sur un livre ici d'Ibn Abi Shayba, ici le kitab, le livre de l'Iman de Abi Ubaid al-Qasim ibn Sallam. Il a fait le takhrij ici de ce livre, l'étude de ce livre, kitab al-Tahawiyya, la croyance de l'imam al-Tahawi, ici avec le commentaire. Il a fait l'étude d'investigation du livre, le commentaire d'Ibn Abi al-Is ici. Donc il fait des annotations. Aussi le livre de l'Iman, kitab al-Iman Cheikh Islam ibn Taymiyyah, d'Ibn Taymiyyah. Et celui qui va regarder dans ses investigations et ses commentaires de Cheikh al-Albani, alors il verra que Cheikh al-Albani est en concordance avec Aqidat al-Salaf al-Salih sur Masalat al-Iman. Jumlatan wa tafsilan, d'une manière générale et détaillée. D'une manière générale et détaillée. ويكفي الباحث المنصف أن يقرأ ردوده على المرجئة المتقدمين منهم والمعاصرين كأبي غدة عبد الفتاح الكوثري، وهؤلاء هم جبال الإرجاء في هذا العصر، ومن الذابين عن خبث معتقده، فدك هذا الأسد الألباني حصونهم دكا ونسف شبهاتهم الإرجائية نسفا لضلاله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Regardez, il dit, et on peut voir que Cheikh Al-Albani, celui qui va observer ses écrits, et va lui-même à réfuter l'une des grandes références contemporaines, c'est Abi Ghidda et Al-Fattah Al-Kawthari. Al-Kawthari, Cheikh Al-Albani l'a réfuté, vous voyez cela dans ses écrits, c'était un cheikh ici, c'était une personne fervente dans le madhab al-Murji'a. Et Cheikh Al-Albani l'a réfuté, ici comme vous pouvez voir. Donc, l'Aktafi Bihada, parce qu'au compte de cela, il va avoir l'intervention de Abdelkarim ici pour le prochain terme. Wallahu a'lam. Wa salli wa sallim ala ashraf al-anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fiik.